Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Bonjour, bonjour. Il fait un peu plus frisqué qu'hier, mais ça va, correct quand même. Pour ce matin, on va souhaiter une bonne fête à Barthélémy et à Nathanaël. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'accident du col de la pirogue relayé hier matin sur nos ondes dans nos inforoutes a hélas fait une victime, une femme de 41 ans. Et puis un appel à témoins est lancé vendredi matin à 4h en sortant de boîte de nuit. La jeune Mathilde a violemment été percutée par un pick-up au niveau du Palm Beach à Landvatta. Depuis, la jeune fille est dans le coma et son état se dégrade. Le chauffeur, lui, a pris la fuite, n'a toujours pas été identifié. La proposition de loi permettant le don de congé pour maladie d'un enfant a été adoptée hier au Congrès. Comme en métropole, le concept divise. Les cases numériques arrivent bientôt à Nouméa. Ce programme vise à mettre en place des espaces publics numériques performants qui permettraient l'accès et l'accompagnement des Calédoniens. La délégation olympique française a été accueillie mardi à l'Élysée par François Hollande après avoir remporté 42 médailles aux Jeux de Rio, un record depuis les JO de Pékin, c'était en 2008. Le secteur du tourisme à Paris et en Île-de-France a perdu près de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2016 sous l'effet des attentats, des grèves et des inondations. C'est une baisse sans précédent depuis 2010. Le burkini, ce fameux costume de bain qui enveloppe le corps, n'en finit plus de faire parler de lui. Alors que les élus québécois réclament l'interdiction de ce vêtement de bain, le premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu le port du burkini au nom de la liberté de culte. Enfin, Hillary Clinton s'attend au pire avec Donald Trump. La candidate démocrate a déclaré que son rival républicain pourrait être un adversaire imprévisible lors des débats à venir. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Eh bien voilà, une nouvelle matinée reprend. Hier, on traitait cet accident de la route comme une info trafic. Et puis malheureusement, le dénouement est tragique puisqu'il y a eu un décès. Mais pendant qu'il y avait, par exemple, une file d'attente de 3-4 km au niveau de Port-la-Guerre, il y avait quand même des gens qui doublaient la file, qui remontaient la file. Donc il y a toujours des gens qui ont un comportement dangereux sur la route. Essayez de réfléchir un petit peu. Et puis vous êtes en retard. Hein, finalement, la vie est quand même plus importante qu'un rendez-vous raté. Ce rendez-vous, bien, on va essayer de ne pas le rater ce matin. On est toujours à votre écoute, bien sûr, au 05 34 34. Et on va vous faire un cadeau ce matin. Ce sera le jeu SMS pour les places de cinéma. Il y a simplement le mot ciné à nous envoyer au 35 11 pour 231 francs le SMS. Et puis on fera le tirage au sort aux alentours de 7h10. Vous pouvez déjà jouer maintenant. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. To you, I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah, these days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across.

Moi, je suis une offre Volkswagen. Et voilà ce que je vous propose. Volkswagen Tiguan, à partir de 55 900 francs par mois. Entretien, assurance tout risque et assistance comprise. Vous voyez, je suis une super offre, je vous l'avais dit. Alors, pourquoi prendre juste une voiture si vous pouvez avoir juste une Volkswagen? Volkswagen. Offre location longue durée sur 48 mois pour 45 000 km souscrits. Assurance tout risque incluse. Apport 250 000 francs. Restitution du véhicule au terme de la location. Offre réservée aux conducteurs de plus de 23 ans. Sous réserve d'acceptation par Nouméa Renting. Jusqu'au 2 septembre, sur Énergie, joue avec Ariel et gagne un an de lessive. Envoie Ariel au 3511. 231 francs le SMS. Et si on t'appelle, c'est gagné. 10 lots sont à gagner, chaque lot d'une valeur de 12 505 francs, soit un an de lessive. Ariel, 3 en 1 pods. Nettoie, enlève les taches et donne de l'éclat. Ariel, la nouvelle génération de lessive, 3 compartiments pour une performance de lavage optimale. Gagne un an de lessive tous les jours sur Énergie. Le bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Ce mercredi sera la plus belle journée s'il faut choisir entre aujourd'hui, jeudi et vendredi. On y va pour le détail, c'est préparé par Météo France. Ce matin, le soleil est généreux sur le pays, toutefois une averse résiduelle est possible sur le nord-est en début de journée. Sur Marais et l'île des Pins, les nuages gagnent du terrain et donnent parfois des averses. Cet après-midi, le soleil domine sur une grande partie du pays. En revanche, les nuages stagnent sur l'extrême sud, le sud des Loyautés et l'île des Pins, donnant un ciel nuageux avec quelques averses. Pour des températures maximales qui remontent un petit peu, puisqu'on est dans une fourchette de 24 à 27 degrés. Demain, de belles éclaircies résistent sur le nord et l'ouest le matin, sous un ciel voilé. Le reste du pays sera soumis à des averses sporadiques plus nombreuses sur le sud-est. Nuages et averses vont gagner le relief avec des débordements vers l'ouest. Ça concernera l'après-midi. Enfin, vendredi, la tendance est à un ciel voilé par nuages d'altitude, souvent plus épais sur la Grande Terre. La météo, c'est 3 rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. Demain je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à Moul Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Oh,

Tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision de ma fenêtre en face. Je caresse le plexiglas, concurrence déloyale de ton chauffage central. Une buée dense interrompt ma transe, puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre, sur un fil par centaines, sèche d'immense gaine. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Nous aurons les places de cinéma. Le jeu est toujours en cours. Hein. Vous aurez un tirage de sort à 7h10. Vous envoyez ciné au 3511. On va souhaiter une bonne fête à Barthélémy et Nathanaël. Il est 6h30. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Une mère de famille a donc perdu la vie sur le col de la pirogue. L'accident relayé hier matin sur nos ondes dans nos inforoutes a hélas fait une victime. Une femme de 41 ans. Vers 5h, cette conductrice d'un véhicule léger a été percutée de plein fouet par un camion de livraison. Il semble que le conducteur de ce dernier ait fait un bref écart dans un virage, sans doute en raison d'une vitesse mal adaptée. À leur arrivée, les pompiers n'ont pu que constater que la conductrice était morte. Le conducteur, l'utilitaire, a été légèrement blessé. Les résultats des tests d'alcoolémie et de stupéfiants ne sont pas encore connus. Depuis dimanche, trois morts sont donc à déplorer sur nos routes. Le chauffard de Lens-Vata n'a toujours pas été identifié. Une nouvelle famille a donc été brisée par l'inconscience sur la route. Vendredi matin, à 4h, en sortant de boîte de nuit, la jeune Mathilde a violemment été percutée par un pick-up au niveau du Palm Beach à Lens-Vata au moment où elle traversait. Le chauffard a pris la fuite. Depuis, la jeune fille est dans le coma et son état se dégrade de jour en jour. Ses sœurs Audrey et Pauline ont déposé des affiches dans Nouméa pour faire prendre conscience à la personne du drame qui touche cette famille et tenter qu'il se rende à la police. L'enquête avance lentement, la police recherchant des traces du véhicule en fuite sur les vidéosurveillances de la ville. Mais toute personne pouvant amener un témoignage peut contacter les enquêteurs au 24 33 36 ou au 17. Le don de congés, de jours de congés autorisés. La proposition de loi permettant le don de jours de congés pour maladie d'un enfant a été adoptée hier au Congrès. En Calédonie, près de 200 familles ont des enfants évasanés en Australie ou en France pour y recevoir des soins poussés. Atteints de maladies rares, ils sont hospitalisés de longs mois, voire des années, plongeant les parents dans un état de choc et de stress, car une fois leur droit de congé épuisé, ceux-ci sont contraints de se séparer de leur progéniture, parfois encore au berceau. Comme en métropole, le concept divise, perçu comme partant d'un bon sentiment, il revient pour certains à faire peser sur les salariés une mission qui relève de la solidarité nationale. La délégation olympique française a été accueillie mardi à 18h à l'Elysée par François Hollande après avoir remporté 42 médailles aux Jeux de Rio, un record depuis les JO de Pékin en 2008. Rentrés dans la matinée du Brésil, les athlètes ont été acclamés et applaudis par plusieurs dizaines de supporters devant l'Elysée avant d'être reçus par le président Hollande. Le secteur du tourisme à Paris et en Ile-de-France a perdu près de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2016, sous l'effet des attentats, des grèves et des inondations, selon un bilan diffusé mardi. La fréquentation touristique a donc reculé de 6,4% dans la région par rapport au premier semestre 2015. Enfin, Hillary Clinton s'attend au pire avec Donald Trump. La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine a déclaré que son rival républicain pourrait être un adversaire imprévisible lors des débats à venir, disant se préparer à des choses dingues.

la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. Le live en auto reprend cette semaine et dernière semaine avec le rock alternatif à l'honneur. Un groupe australien, The Higgs, qui est invité. Il aura Botox en première partie. Les rendez-vous à 19h à la Barca vendredi, samedi au 1881 et à 18h au bout du monde pour dimanche. Ensuite, le groupe folk Enjoy sera en tournée à Lifou vendredi au Globetrotters à 19h et samedi au Dréou Village. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 24 août, c'est votre horoscope avec les béliers. Pour commencer, vous serez apprécié par les membres de votre entourage. Taureau, vous aurez tendance à vous poser trop de questions, surtout si vous effectuez votre rentrée. Gémeaux, vous aurez de bonnes idées aujourd'hui, à vous de les mettre en place. Cancer, il faudra aller au bout des choses et surtout ne pas céder, même si précieux. Il y a Lion, remettez-vous en question hein, s'il le faut. Les Vierges, vous risquez d'avoir beaucoup de travail en cette période de rentrée. Les Balances, suivez les conseils qu'on vous donne, n'ayez pas la tête dure. Scorpion, essayez-vous de faire preuve de tolérance. Sagittaire, c'est une excellente journée en amour. Les Capricornes, une nouvelle risque bien aujourd'hui de vous surprendre. Verseau, vous aurez besoin de communiquer et surtout de vous faire entendre. Et les Poissons, même si vous rentrez de vacances, vous sentez que du temps libre vous ferez le plus grand bien. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. they say that it's all just a money machine. I pray and I say that they won't change things. Syndicat était sur Énergie. Vite, le Morning Énergie. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Allez, dans un instant, je vous parle de Barthélémy. On voit du côté de l'info, Delphine, qu'est-ce qui sera à la une à 7h? Le chauffard de l'accident de Lanzvata vendredi matin n'a toujours pas été identifié. La police et désormais la famille lance un appel à témoins pour pouvoir l'identifier. Ouais, faites gaffe quand même sur la route, hein. Ça craint en ce moment quand même 3 décès en quelques jours. En 3 jours. Ça fait beaucoup. Barthélémy, c'est l'un des 12 apôtres, figurez-vous. Il a été patron des bouchers. Et l'histoire, bah oui, en plus de la Saint-Barthélemy, que voulez-vous? Barthélémy, ça nous vient du prénom hébraïque Barthalmaï, qui peut interpréter comme fils de Talmaï. On essaiera de savoir qui est Talmaï un autre jour. Pour l'instant, on va s'intéresser à la popularité de Barthélémy. C'est quand même un prénom relativement rare. 6756 garçons ont reçu ce prénom depuis 1900. C'est pas beaucoup. La meilleure année, c'était 1903 avec 172 naissances. Il y a quand même 6 garçons qui ont reçu ce prénom en 2013. Et l'âge moyen de Barthélémy est de 76 ans. Énergie, Nouvelle-Calédonie. Identification. 5. Soyez éco-responsables. Rapportez vos piles et batteries de téléphone et ordinateur dans les points de collecte. Plus d'infos sur l'appli Tricodec ou au 05 28 28. Pour cette 5e soirée Hello Poplight, nous aurons le plaisir de recevoir un artiste d'exception, John Dimas, tout droit débarqué de Grèce. Il sera accompagné ce soir-là par Oliver A. Retrouvez-nous jeudi 25 août à partir de 22h. Date unique et gratuite. Plus d'infos sur le Facebook du Pop. Vous cherchez la cuisine de vos rêves adaptée à votre budget? La solution, c'est Cuisine Plus chez Socaport. Large choix de coloris et matières avec une qualité franco-allemande. Rendez-vous à l'espace Cuisine Plus pour un devis gratuit chez Socaport Plexus, à Ducos et sur Facebook. Socaport, donnez un sens à votre décor.

le président Hollande. Très attendu par ses fans, Teddy Riner, médaillé d'or en judo, a fait part de sa grosse émotion d'être reçu à l'Elysée. Arborant la médaille d'argent magnifique remportée par l'équipe messieurs de hand, Nicolas Karabatic a dit, lui, de son côté, profiter d'un moment exceptionnel. On a, dit-il, été accueilli par nos supporters à l'aéroport et là, on va montrer la médaille au président, donc c'est un bon moment. Point. Fin de citation. Le tourisme a beaucoup baissé à Paris. Le secteur du tourisme à Paris, en Île-de-France, a perdu près de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2016, sous l'effet des attentats, des grèves et des inondations. La fréquentation touristique a reculé de 6,4% dans la région par rapport au premier semestre 2015. Il s'agit d'une baisse sans précédent depuis 2010. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a annoncé la mobilisation de 500 000 euros supplémentaires pour le plan de relance de la destination France, lancé en mars dernier en particulier à destination de l'Île-de-France et de la Côte d'Azur. Le plan initial était doté d'un budget de 2,5 millions d'euros, que 500 000 emplois, il faut savoir, sont liés au tourisme en Île-de-France, ce qui fait la plus grosse industrie de la région. Au Canada, Justin Trudeau défend le port du bikini. Le burkini, ce costume de bain qui enveloppe le corps, hein, qui n'en finit plus de faire parler de lui, alors que des élus québécois réclament l'interdiction de ce vêtement de bain. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est exprimé à ce sujet. Il a défendu les libertés de culte qui garantissent le droit à porter le burkini et symbole, selon lui, de l'acceptation de l'autre de la part d'une société ouverte. Il a également appelé au respect des droits et des choix des individus, en principe qui doit se trouver à la première place des discours et débats publics. Et Hillary Clinton s'attend au pire avec Donald Trump. La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine a déclaré ce lundi que son rival républicain pourrait être un adversaire imprévisible lors des débats à venir, disant se préparer à des choses dingues. J'ai prévu, dit-elle, de puiser dans mes expériences de l'école primaire, s'est-elle amusée sur le plateau de Jimmy Kimmel Live, une émission divertissement. Donald Trump a toutefois laissé entendre qu'il pourrait ne pas participer aux 3 débats inscrits à l'agenda. Et on passe à l'info insolite. Hein. Ferme les yeux, JB. Oui, c'est ouais. Fait. Tu vois, tu sens en ce moment, il fait chaud, il fait beau. Oui, ça donne envie d'aller à la plage. Ça sent la saison chaude. Ouais, pas encore. J'ai toujours les yeux fermés. Garde les yeux. Tu crois pas que ouvre-les. Tu crois pas qu'il est temps d'aller acheter de la crème solaire? Comment ça? Bah, il fait tellement beau là, il va falloir que tu achètes de la crème. Oui, bah doucement quand même. Non, vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas toi, mais quand tu choisis une crème, t'as un petit peu des choses que tu mets en avant. L'indice, la texture, je sais pas toi, ou l'odeur. Bah, l'indice, c'est le côté. Ils font des crèmes maintenant qui n'attaquent pas le corail, par exemple. Ah, toi, tu choisis ça. Oui, bien sûr. Oh, des crèmes bio et tout. Ouais. En tout cas, moi, je sais que l'odeur aussi, ça fait partie des critères quand on choisit une crème. Que celle qui n'a, ou celui qui n'a pas choisi une crème en fonction de l'odeur, me jette le premier pot. Tiens, voilà. Et ben là, j'en ai une super qui vient de sortir pour toi, JB. Tiens-toi bien, elle sent pas le chocolat, elle sent. Elle sent. Non, elle sent pas le caca. Non, elle sent pas le caca. Toujours pipi caca. Alors, bah oui. Elle sent le poulet frit. Non. Si, c'est le géant du poulet frit KFC qui vient de sortir. Non. Tu aimes bien, c'est pas vrai, ça, c'est un bide. Non, JB. Ça marche. C'est un carton, ils sont en rupture de stock. Dites-moi pas, ils en ont pas fait beaucoup. C'est ils en ont fait beaucoup. C'est pas la première fois qu'ils se lancent comme ça dans les produits. Ils avaient lancé un vernis comestible au goût de poulet. Bah oui, ils sont dans le poulet à fond. Par contre, cette crème, tu pourras pas la manger. Elle sent le poulet, mais laisse tomber, tu vas pas la manger. C'est dangereux pour les gosses aussi, ils risquent de l'avaler. Dégoûtant. Voilà. Drôle d'idée, tu vois, c'était pas caca. Non, mais ils font des bonnes crèmes maintenant. Il faut prendre des bons indices et tout ça. Par contre, toutes les feuilles que j'avais sous la main. Celle-là, mais elle est un peu. Non, celle-là, elle n'était pas collée. Tiens. Ah, mais je crois que tu avais une petite fiche, mais je vais les garder. C'est l'Apple TV qui vient de partir. C'est moi qui vais envoyer un texto. Bon. Eh bien, la cour de récréation. Un peu de crème, là. Mais non. Un peu de crème, là. C'est yaourt. Et donc, 7h09. Attention, dans 3 minutes, le tirage au sort pour les places de cinéma. Vous avez encore le temps, vite fait, de nous envoyer le SMS ciné au 35 11 231 francs. Le message. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Yes, papa, Evelyn Bougos de retour. Salut les amis, saison 2. Comment allez-vous dans le domaine du BLB? Couchez le Bundala. Bundala? Yeah! Ah, vraiment. On va gratter le coin là-bas. Ambiance Evelyn. On va bouger. Bouger les béliers, maman. Il faut bouger, il faut souquer, c'est ça qui l'appelle. bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Materio Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. C'est l'heure du coup de fil gagnant sur Energy. Alors, un SMS qui nous est parvenu ce matin, marqué ciné dessus. La personne est peut-être au travail ou quelque chose comme ça, c'est pas grave, on laissera le message. Pour le ciné, il n'y a pas de question particulière, donc on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. C'est pas un répondeur? Non, c'est pas un répondeur. Bon, ben ça va, on est en direct sur Energy. Quel est ton prénom? Nadège. Nadège, bienvenue Nadège pour ces places de cinéma. On est ravis de t'offrir deux invitations. Tu aimes le cinéma ou tu y vas occasionnellement quand il y a un film qui fait parler de lui? Non, non, on aime le cinéma et là, les vacances, j'ai emmené les filles. Très bien. Alors, il y a de la comédie, ça peut leur plaire aux filles. Freedance, c'est une comédie musicale. Ah, ben, attendez celui-là. Ah, ben voilà. Voilà, on va pas plus loin, c'est bon, c'est gagné. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grâce à une bourse d'études à la jeune ballerine Ruby Adams, originaire du Midwest, fait ses premiers pas dans une prestigieuse école de danse new-yorkaise et elle rencontre par hasard, oh, je sais pas si c'est par hasard, Johnny, un violoniste anglais talentueux. Que va-t-il se passer ? Vous demanderez à Nadège parce qu'elle va aller au cinéma. Voilà. Eh oui. Merci Nadège, merci d'avoir joué avec nous. Ne raccroche pas, on te souhaite une très très bonne journée. Merci. Voilà, faut pas hésiter à jouer avec Energy. Voyez, ça peut tomber à tout moment de la journée. Des jeux, il y en aura encore. Cet après-midi, ce sera l'addiction avec Laetitia. Et puis vous jouerez avec Misma au bidule. Energy Nouméa 93.5. Étudiant, futur étudiant, les aides de la province sud, c'est en ce moment. Va voir sur tazar.nc. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV. Ça, c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Les bois du Pacifique. Essence noble, bois de construction, agencement. Découvrez toutes les nouveautés des bois du Pacifique sur Facebook et profitez de notre expertise et de notre espace bois à Ducos. Bleu Piscine, c'est tout pour le nettoyage, le traitement, la filtration, l'éclairage et les pièces détachées pour votre piscine. Bleu Piscine, 10 rue Pelletan à Ducos ou sur www.bleupiscine.nc. Jean-Jacques, avez-vous pensé à passer les commandes de Noël à nos fournisseurs? Je voudrais que tout soit livré à temps cette fois-ci. Ah oui, vous avez raison. C'est tellement de vérifications et de relances. Les fournisseurs sont toujours débordés à cette période. Nous, chez IES Nouvelle-Calédonie, pour respecter vos impératifs de délai, nous relançons chacun de vos fournisseurs individuellement, puis transportons, dédouanons et vous livrons. IES Nouvelle-Calédonie, le logistics partner qui facilite la vie des professionnels à Noël et tout au long de l'année. C'est le moment. De vous réaliser, doser l'extrême. Renault 4 Gère tout équipé à partir de 2,898,500 francs. Renault, la vie avec passion. Aérodrome de Magenta, Nouméa, 250505. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only.

driving all over me. With your high tone and your blue line, respectability. You go down on the car, having yourself all. Change your way you live, and I don't know you at all. The sun don't shine anymore, and the blue sky don't appear. The rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, babe, in everything you do. Putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28 04 04.

détendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre cuisine savoureuse et variée sur les toits de Lanzarote. On l'a découvert hier, Jeffrey Jordan, cet Auvergnat. Il nous a bien plu, c'était une première diffusion hier. Eh bien, déjà, on a envie d'en savoir plus sur lui et sur son enfance. Tiens, qu'est-ce qu'il aimait ? Ah, les chansons, les comptines. Voilà. Et alors moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais petit, qui m'a même choqué, c'est qu'on me chantait des comptines, tous les soirs, avant de me coucher. Faut pas chanter des comptines à ses enfants, hein ? Pas parce que les comptines, c'est vulgaire. C'est vulgaire et parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, je m'énerve deux minutes. Regarde, une souris verte, par exemple. Qui a écrit cette connerie ? Non mais, franchement, une souris verte ! Y'a que moi qui déconne ou comment ça se fait ? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Bon bah déjà, dites-moi comment le mec fait pour voir une souris verte dans l'herbe verte. C'est du ton sur ton, ça ne marche pas. On est d'accord. Alors admettons, une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper une souris, ne serait-ce que par le corps, vous ? Tu peux toujours courir un moment. Ah, bon. Alors le mec, champion du monde d'attrapage de souris verte par la queue, je la montre à ces messieurs. Qui sont ces messieurs ? Personne ne nous dit dans l'histoire. C'est-à-dire que le mec, partout où il va, toute la journée, il a des messieurs à disposition derrière lui. Ils le suivent toute la journée, au parc, au restaurant. Alors oui, madame, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des messieurs qui me suivent toute la journée, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Alors ces messieurs me disent... Ces messieurs me disent... Ah oui, parce qu'ils se permettent d'intervenir quand même, hein. Bon, alors, ces messieurs me disent, eh bien, trempez-la dans l'huile et trempez-la dans l'eau. C'est vrai que nous, dès qu'on attrape une souris, dans l'huile et dans l'eau immédiatement. Alors peut-être dans l'eau, après l'huile, doit y avoir un système de nettoyage, quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, ça vous fera un escargot tout chaud. Eh oui, voilà. Il y en a qui ont fait physique chimie dans la salle. Vous avez déjà trempé une souris dans l'huile et dans l'eau, vous ? Moi, ça ne m'a jamais fait un escargot tout chaud, personnellement. Hein. Au pire, tu l'écrases au fond d'un verre, ça fait un mojito. Enfin, tu... Bah, la souris verte, ça remplace la menthe, évidemment. On t'appuie un peu, ça fait un mojito aux fruits rouges. Mais enfin, bon, désolé. Écoute, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais attends, c'est comme Au clair de la lune, c'est pareil. Au clair de la lune, arrêtez de la chanter à vos enfants si vous voulez pas qu'ils terminent dans un film pornographique à l'âge de 17 ans. Mais parce que c'est une chanson très érotique, Au clair de la lune. Regarde, Au clair de la lune. Bon, bah déjà, on a un repère spatio-temporel. Ça se passe quand ? La nuit. J'ai une dame un jour qui m'a dit Au clair de la lune. Merci, madame. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, bah là, on comprend très bien que c'est Pierrot qui attend son plan cul. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est très important pour la suite de l'histoire. Pierrot est gay. Voilà. Ah bah, Pierrot est gay parce que « prête-moi ta plume pour écrire un mot », c'est une très jolie métaphore. Où va finir la plume, c'est la question. Tu vas me dire, mais attends, écoute, Jeffrey, c'est dommage, tu vois de l'érotisme partout, même dans les comptines pour enfants. Ma chandelle est morte. Comment qu'il a inventé ? Je n'ai plus de feu. Alternative, ouvre-moi ta porte. Pour l'amour de Dieu, blasphème. Alors les trois petits cochons, non mais attends, parce que... Ne me chauffez pas, parce que je... Les trois petits cochons. Et les trois petits cochons, on est carrément dans une soirée SM à ce moment-là, les trois petits cochons. La fistinière, non mais appelons un chat, parce que... Soirée SM, les trois... Trois petits cochons pendus au plafond. Tout le monde à l'image ? Tirez-lui la queue, il pondra des œufs, c'est dégueulasse! Alors combien en voulez-vous, mademoiselle, en tout? Ben dis donc, si on lui pose la question, c'est que ça doit être une sacrée salope! T'en parlant de salope, la mère Michel, on en parle ou pas? La mère Michel qui a perdu son chat, quand même, la mère Michel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'est fait déflorer, la mère Michel, hein? La mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, à qui le lui rendra? Et en plus, elle le dit à tout le quartier, quand même, hein? Alors le père Lustucru lui a répondu, mais ne pleurez pas, mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Tu penses, le père Lustucru, ça fait 15 ans qu'il est veuf, 15 ans qu'il mate la mère Michel comme ça à travers la fenêtre avec ses jumelles. Alors au bout de 15 ans, le père Lustucru, eh ben, il a envie de lui rendre son chat à la mère Michel. Il court le furet, c'est une contrepétrie, vous saviez ça ? Il court. Non, c'est il fourre le curé. Yes. Il Il court, le furet du bois, mesdames. En fait, on prévenait les femmes du village qu'il fallait surtout pas aller se promener dans la forêt parce qu'il y avait un prêtre un peu bizarre qui tirait tout ce qui passe derrière les sapins. Il est passé par ici, il repassera par là, un coup dans le chat, un coup dans le pot, un coup dans le chapeau. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. N'oubliez pas le buffet crevette à volonté tous les jeudis soirs. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-0404. Il y a du beau monde qui fête son anniversaire, on en parle maintenant. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Alex Lutz, il a 38 ans, ce Strasbourgeois est comédien, humoriste, metteur en scène et auteur de théâtre français. Sachez qu'enfant, il était dyslexique. Sur scène, Alex Lutz joue son one-man show depuis 2007. Au cinéma, c'est lui, Robert Demiraille, dans Les Visiteurs, La Révolution de Jean-Marie Poiré. À la télévision, Soda, c'est Thierry, le pion, 2012. Depuis 2012, c'est la revue de presse de Catherine et Liliane, c'est Rico rediffusé dans le cadre du petit journal de Yann Barthès sur Canal. Et puis c'est aussi Scène de ménage, Le voisin bec de Marion et Cédric. C'est encore Alex Lutz. Autre personnage dans la musique, cette fois-ci, c'est Jean-Michel Jarre. Il a 68 ans, ce Lyonnais, né à la Croix-Rousse. Compositeur de musique électronique, il a vendu à ce jour plus de 80 millions de disques au cours de sa carrière. C'est lui-même fils de musicien, fils de Maurice Jarre, compositeur de films, musique de films. Laurence Darabi, le docteur Jivago, Le Message, le Lion du désert, Le Cercle des poètes disparus, ou encore Ghost, voilà. Père et fils ont une sacrée belle carrière. Mais Jean-Michel Jarre, en musique, c'est Oxygène. Oxygène 4, par exemple. Respirez, vous êtes sur Énergie. Et un autre qui ne manque pas d'air, c'est Van der Kroot. Madame, monsieur, il sera sur Énergie dans un instant et il nous dira si l'on peut donner n'importe quel prénom à ses enfants. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Le Hard Café du Quartier Latin, convivial et carrément cosy pour vos afterwork. Toute l'actu sur Facebook Hard Café. Une adresse pour vous meubler? Meubles Import, des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Vous aimez rouler en vélo, roller, trottinette ou skate en toute sécurité? La voie côté mer de Lansbata vous est réservée ce dimanche de 8h à 17h. Vous pouvez profiter maintenant d'un dimanche en mode doux sur Lansbata. Plus d'informations sur nouméa.nc. Ville de Nouméa, partageons l'événement! L'info en Nouvelle-Calédonie, en France et dans le reste du monde, c'est dans le journal de la mi-journée. Retrouvez le journal de la mi-journée à 10h, 11h et 11h30. L'info sur énergie, c'est avec Wildsurf et ses collections Quicksilver, Roxy, Oxbow et Ripcurl. Du lundi au vendredi, en quelques minutes, l'actualité locale, nationale et internationale. C'est trois rendez-vous quotidiens sur énergie à 10h, 11h et 11h30. L'info de la mi-journée, c'est avec Wildsurf, la plus grande surface de surfwear et de sportwear de Nouméa. 31 rue de Verdun. Énergie Nouvelle-Calédonie. Music Station. Nous, c'est Énergie non-stop. Énergie, énergie, it's music only. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Van der Kroot. Peut-on donner n'importe quel prénom à ses enfants? Stagiaire Bernardin? Ouais, professeur! Quel prénom immonde! Vous êtes en procès avec vos parents, j'espère! Non, mais je vais changer de prénom, professeur! Ah, enfin! Vous avez opté pour quoi? Gérardin! Oui, super! C'est quand même nettement plus facile avec les chiens. À chaque année, sa lettre de l'alphabet. Mais alors, avec les enfants, il faut faire des appels d'offres, des études de marché et des sondages dans la famille. Nous allons donc l'appeler Oscar. Quoi? Eh ben 51% des suffrages. Je suis démocrate, moi, papa. Sachez que depuis la loi du 8 janvier 1993, vous pouvez donner n'importe quel prénom à votre enfant si l'officier d'état civil n'y voit pas de mal. C'est ainsi que le créateur Philippe Stark a appelé sa fille K en une seule lettre. Et Cécile Duflo, d'Europe Écologie Les Verts, a choisi Térébenthine comme le solvant. Hubert, on va l'appeler comment, lui? Brian. Pourquoi? Parce qu'il braille comme un âne.

monde. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Nadège a gagné ce matin 2 places de cinéma. Bravo à elle et à sa famille qui iront voir le film de danse Freedance. Bonne fête à Barthélémy et Nathanaël. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Et pour l'info, c'est avec Delphine, bonjour. Bonjour JB, bonjour tout le monde. L'accident du col de la pirogue relayé hier matin sur nos ondes, dans nos inforoutes, a hélas fait une victime, une femme de 41 ans. Et puis un appel à témoins est lancé vendredi matin à 4h. Une jeune femme a été violemment percutée par un pick-up au niveau du Palm Beach à Lanzvata. Depuis, la jeune fille est dans le coma. Le chauffard, lui, a pris la route et n'a toujours pas été identifié. La proposition de loi permettant le don de jours de congé pour maladie d'un enfant a été adoptée hier au Congrès. Comme en métropole, le concept divise. Les cases numériques arrivent bientôt à Nouméa. Ce programme vise à mettre en place des espaces publics numériques performants qui permettraient l'accès et l'accompagnement des Calédoniens. La délégation olympique française a été accueillie mardi à l'Élysée par François Hollande après avoir remporté 42 médailles aux Jeux de Rio, un record depuis les JO de Pékin en 2008. Et puis le secteur du tourisme à Paris et en Île-de-France a perdu près de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2016 sous l'effet des attentats, des grèves et des inondations. Il s'agit d'une baisse sans précédent depuis 2010. Le burkini, ce costume de bain qui enveloppe le corps, n'en finit pas de faire parler de lui, alors que des élus québécois réclament l'interdiction de ce vêtement de bain. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu le port du burkini au nom de la liberté de culte. Enfin, Hillary Clinton s'attend au pire avec Donald Trump. La candidate démocrate a déclaré que son rival républicain pourrait être un adversaire imprévisible lors des débats à venir. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. On débute par les matchs de barrage, retour de la Ligue des Champions. Monaco rejoint le Paris Saint-Germain et Lyon en phase de groupe de la Ligue des Champions après avoir obtenu sa qualification aux dépens de Villarreal en barrage. Monaco a donc assuré l'essentiel ce matin pour nous à domicile. 1-0 sur pénalty de Fellaini dans le temps additionnel, donc après sa victoire à l'aller. Rigoureux et très impliqué, le FC Porto de son côté impose 0-3 face à l'AS Roma et valide donc son ticket pour cette phase de groupe. C'est déjà fini pour Le Havre et Lens en Coupe de la Ligue. Et les Normands ont sombré face à Châteauroux qui évolue en national. Le score 5-2. De son côté, Lens a chuté dans son antre contre un autre pensionnaire du national, le Paris FC. 0 partout. Le HAC et le Racing ne sont pas les seules victimes du deuxième tour puisque Strasbourg a été battu 2-0 sur le terrain de l'AJ Auxerre. Soirée tranquille pour Sochaux qui a dominé Brest, le leader de la Ligue 2, tandis que Clermont Foot a battu Créteil 2-1 et s'est également passé pour Laval et Orléans. Et il y avait la quatrième étape de la Vuelta. Et pour sa première année chez les professionnels et pour sa première participation à un grand tour, Lilian Calmejane, le jeune coureur de l'équipe Direct Énergie, a remporté en solitaire cette quatrième étape au sommet du Mirador de Texido ce mardi de manière remarquable et remarquée. Et pour les JO 2016, les Paralympiques sont menacés. Et les autorités brésiliennes et le comité d'organisation jurent que non, mais ils ont cruellement besoin d'une urgente perfusion d'argent public. À 4 jours de la cérémonie de clôture des premiers JO en Amérique du Sud et à 2 semaines du coup d'envoi des Paralympiques, les caisses du comité d'organisation, financées à 100% par des fonds privés, sont vides. Et si la situation ne se débloque pas rapidement, ce ne serait pas juste les athlètes paralympiques russes suspendus pour dopage qui risquent de ne jamais voir le stade, mais aussi les compétiteurs des fédérations paralympiques de 40 à 60 pays pauvres qui n'ont pas encore vu la couleur de leur billet d'avion. Rio 2016 aurait dû verser déjà il y a plus de 2 semaines les bourses promises à leur comité. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Laissez-vous guider vers les vibrations positives. La meilleure potion énergétique, c'est de 8h à 9h dans Caféine avec FitZone. 3 jours d'essai gratuit. Un coach pour vous conseiller et des cours à essayer. Plus d'infos au 24 16 80. Et c'est caféine, mais ce sera aussi café à août, puisqu'on va sortir, on aura le retour du live en août. Le programme de cette dernière semaine avec des extraits du groupe invité, il s'appelle The Higgs et ils nous viennent tout droit d'Australie. La semaine est donc rock alternatif pour le live en août. Pour débuter, Blink 182. En un, juste parfait à chaque instant. Rendez-vous sur Facebook Nescafé NC. La Villa Maison de Beauté propose des soins du visage à partir de 9000 francs, des massages d'une heure à 8000 francs, épilation du maillot à 3000 francs. La Villa, c'est la qualité à prix raisonnable. Plus d'infos au 29 88 89. Problème de termites dans vos meubles, objets d'art, archives ou phytosanitaires? Parasitech, élimination de termites par gaz, travail garanti. Parasitech à Ducos ou sur www.parasitech.nc. Parasitech, technique et savoir-faire en désinsectisation, dératisation et détermitage.